Vous écoutez France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, le zen et l'Europe, avec Jacques Brosse. Parmi ces personnalités que nous écoutons s'exprimer depuis quelques semaines, nous terminons aujourd'hui en compagnie de Jacques Brosse. Jacques Brosse, beaucoup de gens le connaissent déjà, mais on peut rappeler que formé dans la religion chrétienne, historien des religions, il a suivi une formation dans le bouddhisme, et particulièrement dans le bouddhisme japonais extrêmement profonde, ce qui fait qu'il est aujourd'hui un maître zen qui conduit des sessions de méditation et d'approfondissement du bouddhisme. D'autre part, Jacques Brosse a toujours été un naturaliste. On se rappelle peut-être le livre absolument extraordinaire qu'il avait écrit sur les arbres et qui faisait de lui, si l'on peut se servir de cette expression, un écologiste avant même l'heure, avant même que l'on parle de cette discipline. Par ailleurs, Jacques Brosse est quelqu'un qui a été formé à la psychanalyse, ce qui fait que dans toute son œuvre, on assiste aux mouvements les plus profonds de la psyché et derrière, à la façon dont on peut déboucher sur quelque chose qui est de l'ordre du spirituel, au-delà même de la structure de la psyché. Et ce à quoi aboutit Jacques Brosse, généralement, c'est à ce qu'il est convenu d'appeler une théologie négative qui s'ancre très fermement à la fois dans la patristique, et surtout dans la patristique grecque de l'Église, ou alors dans des auteurs comme Scott Erigène ou comme Maître Eckhart en Occident, bien entendu, mais qui répond beaucoup à ce que l'on appelle le Tao, au début du Tao Te Ching, par exemple, de Lao Tse, ou alors à ce qui est de l'ordre de ce que les bouddhistes appellent la vacuité. Donc, d'une certaine manière, on voit très bien comment, chez Jacques Brosse, à la fois à travers son rapport extrêmement fort à la nature, il ne s'agit pas de nier le monde, mais en même temps de savoir comment nous nous y inscrivons. Et aujourd'hui, on voit qu'il se pose, particulièrement dans son dernier livre paru aux éditions Albin Michel, « Pourquoi naissons-nous ?», il se pose la question de savoir pourquoi nous sommes là, dans ce monde, qu'est-ce que c'est que la vie ? Faut-il avoir peur de la mort ? Qu'est-ce que c'est que la mort ? Et d'une certaine manière, il reprend, en l'approfondissant, la parole même de cet humoriste bien connu qui est Woody Allen, mais qui lui-même s'appuyait sur une tradition bien antérieure, dans sa remarque, selon laquelle, on le sait, la vie est une maladie que nous contractons en naissant et qui, de plus, est mortelle. Allô maman, bobo, maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo, allô maman, bobo. Ça c'est une question qu'on pose étant très petit, ou qu'on pose quand on est devenu très vieux comme moi. Parce qu'il faut bien essayer de, non pas de répondre, il n'y a pas de réponse, mais de poser correctement la question. Et de voir les hypothèses possibles. À partir d'un essai, d'un long texte de Montaigne que j'aime beaucoup, qui ramène l'homme à sa nature propre, qui est celle d'un animal, un peu différent des autres, mais pas tellement. La méditation, d'une part, parce qu'elle permet de mieux poser ces questions essentielles, d'une part, puisqu'elle nous dégage un peu de nous-mêmes, hein, de nous, étant donné que le « moi » est un tissu d'habitudes mentales, et d'habitudes en gros, qui sont elles-mêmes l'objet, qui sont nées d'une espèce de mimétisme. Il y a maintenant des thèses assez intéressantes de psychologues américains que je viens de lire. Le livre est trop gros, mais il est intéressant, parce que pour eux, pour ces psychologues modernes, récents, le moi n'est qu'un artifice, d'une part, ce qui est évidemment tout à fait l'attitude des méditants bouddhistes, par exemple, et en plus, un tissu d'habitude issu du mimétisme. En sens que, alors, l'auteur ne le dit même pas, mais on parle de la langue maternelle. Qu'est-ce que nous avons fait pour apprendre à parler? C'est de faire comme maman, hein, au départ. De même que toutes ces habitudes sont toutes nées d'une espèce de mimétisme. Nous avons imité les autres. C'est-à-dire, pour un petit enfant, les plus grands, les adultes. Alors, ça, comment dirais-je, ça relativise le problème du moi, d'une part. Donc, si on élimine le problème du moi, on peut poser les questions plus clairement, disons, plus objectivement, autant qu'il puisse y avoir une objectivité là-dedans. Ainsi dois-tu considérer ce monde qui fuit. Une étoile à l'aube, une bulle sur un ruisseau, la lueur d'un éclair dans un nuage d'été, une lampe qui vacille, un fantôme, un rêve. Prajnaparamita Sutra. Ce qui est tout à fait étonnant, Jacques Brosse, par rapport à ce que vous dites, c'est qu'on entend aussi bien tout un nombre de grandes traditions spirituelles, et particulièrement le bouddhisme auquel vous faites allusion, pour lequel le moi n'est qu'un agrégat, d'une certaine façon, une illusion, et en même temps, au moins dans certains courants de psychologie moderne, de psychologie des profondeurs, et je pense particulièrement de psychanalyse, il y a cette idée que le moi est une espèce de construction qui n'est pas notre véritable jeu, si on peut dire. Bien notre jeu véritable, oui, serait plutôt de l'ordre de quelque chose, d'une altérité à nous-mêmes. C'est d'ailleurs ce qu'avait compris le très jeune Rimbaud. Je est un autre. C'est important pour moi aussi, cette réflexion. Parce que nous ne sommes pas ce que nous croyons être, en gros, d'une part, et nous sommes plus et moins que ce que nous croyons être. C'est-à-dire que nous avons des potentialités très considérables que nous ne savons pas ou que nous ne voulons pas exploiter. Peut-être nous avons peut-être le vertige devant ça. Alors, on peut, justement, par la pratique de la méditation, qui vous donne une espèce de stabilité intérieure et une vie distanciée, comment dirais-je, avoir une attitude plus juste vis-à-vis de notre vie et de notre mort. Parce qu'à ce moment-là, peut intervenir dans toutes les traditions orientales la notion de karma. Alors, le futur moi, s'il y en a un, ce serait le résultat du karma. Donc, plus la personnalité actuelle, Jacques Brosse, il naît et il meurt, c'est tout. Mais ce qui reste de karma, qui, d'une certaine manière, reconstitue une personnalité. Alors, c'est pourquoi il faut pas, dans la notion de karma, il ne faut pas croire à une croyance à l'existence de vies antérieures ou de vies postérieures. C'est à la fois, on est le même et pas le même, comme disait un grand philosophe, je crois que c'est Nagarjuna. Hein. Celui qui survit est le même et n'est pas le même. Alors évidemment, c'est un point de vue nuancé, mais qui permet, en somme, de ne pas être trop crédule. Voilà. D'éviter donc ce qu'on nous dit stupidement maintenant sur les vies antérieures. C'est un sujet assez actuel depuis déjà un bon moment. Il n'y a pas de survie, non, il n'y a pas de survie. Il y a la survie du karma, c'est tout. Alors, ça, on cerne mieux le problème à partir de ça. On peut mieux l'envisager, avec plus de distance, disons. Mais est-ce que d'une certaine manière, par rapport à ce que vous dites, Jacques Brosse, on n'est pas beaucoup plus près de ce que les anciens Celtes, par exemple, considéraient comme la transmigration? Je veux dire que la personnalité en tant que telle disparaît, effectivement, et puis il y avait certainement un certain nombre de ses traits et qui tiennent à ce qu'il avait fait, à son action, en fin de compte, qui passait de type d'existence en type d'existence. C'est ça. Oui, mais ça voudrait dire qu'on doit suivre, pour arriver à la fin, hein, qui serait le nirvana pour les bouddhistes et d'ailleurs les hindouistes, à la fin, ça veut dire qu'on aura accompli un cycle complet de tous les modes de vie possibles. C'est ce que dit d'ailleurs un peu Empédocle. Hein. J'ai été garçon et fille, etc., etc., poisson dans la mer, et j'en ai souffert. Il souffre de cette transmigration. Donc le mythe, l'explication pour la transmigration, est quand même un caractère assez universel. Hein. Mais ça ne nous permet pas non plus de nous rassurer à trop bon prix. Hein. C'est vrai, ce n'est pas forcément rassurant. Ça peut être vertigineux. Alors, évidemment, on m'a déjà posé la question, mais alors, pour quelles raisons vivons-nous ? Ben oui, ça c'est autre chose. Ben, on vit en fonction du karma, hein, bien entendu. Mais si on n'est pas le karma, alors on vit, on ne sait pas très bien pourquoi. C'est d'ailleurs le malaise de nos contemporains. Ils n'ont plus de foi. Donc, ils ne savent plus. Ils ne savent plus quoi penser de la mort qui, pour eux, pour certains d'entre eux, ils appellent le trou noir. D'ailleurs, le trou noir, maintenant, ça prend un autre sens en astrophysique, comme vous le savez. Alors bon, mais enfin, pour eux, il n'y a plus rien. C'est la fin de tout. Mais oui, c'est d'une certaine manière leur fin. Mais ce n'est pas forcément la fin de celui qu'au fond, ils sont. Vous comprenez ? Alors évidemment, ça représente une espèce de dialectique qui paraît un petit peu jouer sur les mots. Oui et non. Oui et non. Pour moi, l'artiste, au moins, il sait pourquoi il est là. Il est là pour donner son œuvre à l'humanité. Alors, je citais en particulier Haendel qui disait « Je n'aime pas qu'on dise que je fais de la belle musique. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je vise, c'est de faire le bien de l'humanité. » C'est ce que pourrait dire, en somme, n'importe quel musicien ou n'importe quel artiste, hein, du moins classique. Parce que nous sommes maintenant, regardez la musique, entre la musique de Haendel ou de Bach, qui sont des certitudes, des rassurantes, qui sont une vue de l'autre monde aussi. Hein. D'ailleurs, il y a une réflexion de Suran qui m'a bien amusé. Suran disait, en somme, Bach explique Dieu, explique la personnalité et l'étendue même du divin, explique la création, explique tout. Alors, celui qui doit être reconnaissant à Bach, c'est Dieu. Vous vous êtes servi d'un mot qui est devenu presque tabou aujourd'hui, Jacques Brosz, c'est-à-dire le mot Dieu. Et le mot Dieu, on sait quand même combien d'acceptions il peut avoir, parce que ça peut être le vieillard à barbe qui trône sur les nuages, ça peut être aussi bien le néant suressentiel dont parlent les pères grecs de l'Église, et entre les deux, Dieu sait qu'il y a de la différence. Évidemment, c'est pourquoi il faut éviter le nom de Dieu, si je puis dire, et pour moi, Dieu n'existe pas. Ce qui veut dire que Dieu est, et s'il est, il n'existe pas. Dieu seul peut être. Par contre, l'homme peut et doit exister. Mais exister, pour moi, je le pense en propre étymologique, existere, se tenir en dehors de. Alors, en dehors de quoi ? Ben, de l'être, évidemment. Alors, donc, il ne faut pas confondre une existence de Dieu, il n'y a pas d'existence de Dieu, il y a l'être divin, c'est tout. Et ne pas peut-être même parler de Dieu, parler de l'un ou du principe, comme Plotin, par exemple. Hein, éviter ce problème. Ou alors, faire la même distinction que Maître Eckhart entre Gott et Gottheit, Dieu et la divinité. Et oui, Dieu personnel, auquel on peut rendre des hommages, qu'on peut prier, et la divinité suressentielle qui, elle, échappe à tout commentaire possible. C'est-à-dire, je suis, pour moi, pour une théologie apophatique, qui ne peut rien dire. Qui ne peut rien dire de Dieu, qui ne soit complètement idiot, inexact et absurde même. C'est un peu la question que j'allais vous poser, Jacques Brosz, c'est-à-dire que parler de Dieu d'une manière ou d'une autre, est-ce que ce n'est pas toujours, je dirais, développer la façon que nous avons de concevoir Dieu ? C'est-à-dire que c'est manquer le divin à tous les coups. Exactement. Moi, quand j'étais petit, je posais des questions. À 6-7 ans, mon père avait une barbe blanche. Hein, il pouvait être, c'était donc Dieu le Père. J'avais un frère qui avait 20 ans de plus que moi, qui avait une barbe noire, comme Jésus, donc ça pouvait être mon frère, mon grand frère, et j'avais un frère qui était encore un imberbe, qui lui aurait été le Saint-Esprit. Alors voyez-vous, j'ai compris tout de suite que ça ne marchait pas, le système. Hein. D'ailleurs, Même Nicolas de Cuse, qui était quand même un cardinal, et qui a failli, qui était en somme un second pape par rapport à Pie II, son pape, le pape de son temps, disait il ne faut surtout pas parler de ces questions de famille avec Dieu. Ça devient ridicule. Mais est-ce que ce n'est pas un des problèmes que nous avons régulièrement, Jacques Brosse, dans cette approche du divin ? Est-ce que je pense par exemple à cette querelle, moi, qui me semble assez vaine, du polythéisme et du monothéisme. Exactement. Parce que d'abord, je pense que la distinction est totalement vaine, en le sens que un polythéisme, même comme le pire, si je puis dire, des polythéismes, c'est le polythéisme hindou, hein, finalement, n'est pas un. Il y a un culte. C'est vrai, mais c'est un culte du Dieu unique, à travers ses représentations différentes, Shiva, etc., Krishna et autres. Mais finalement, il n'y a qu'un Dieu dans tout ça. Par contre, effectivement, les musulmans peuvent dire, aux catholiques en particulier, vous êtes des polythéistes, puisque vous croyez aux trois personnes divines. Hein ? Alors, voyez-vous, on est toujours le polythéiste de quelqu'un ou le monothéiste de quelqu'un, ça ne veut rien dire. Tout ce qui existe te prie, et vers toi, tout être qui sait lire ton univers fait monter un hymne de silence. En toi seul, tout demeure. En toi, d'un même élan, tout déferle. De tous les êtres, tu es la fin. Tu es unique. Tu es chacun et tu n'es aucun. Tu n'es pas un être. Tu n'es pas l'ensemble. Tu as tous les noms. Comment t'appellerais-je, toi, le seul qu'on ne peut nommer? Aie pitié, ô toi, l'au-delà de tout, comment t'appeler d'un autre nom ? Grégoire de Nazianze, poème dogmatique. Moi qui suis enseignant du Zen, je sais très bien que quand je formule un enseignement, il faut que je puisse dire le contraire. Hein, c'est-à-dire ne pas se trouver dans la situation dualiste qui est celle de l'Occident maintenant, bon, et passer plus justement dans le non-dualisme où les opposés sont des complémentaires et pas finalement s'exclure l'un l'autre. Évidemment, c'est un mode de pensée qui ne nous est pas familier parce que nous sommes entièrement dualistes, surtout depuis Descartes. Ah ben oui, on ne peut pas dire oui et non à la fois. Alors, on a une logique qui remonte à la logique aristotélicienne, mais qui s'est accentuée avec saint Augustin, qui était quand même manichéen, hein, vraiment donc entièrement dualiste, et avec Descartes, qui lui sait partout. Alors qu'on voit encore dans saint Paul, on parle de la triplicité ou de la trinité humaine, de la constitution humaine en trinitaire, où il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et saint Augustin supprime, d'ailleurs, avec des mots assez forts, il dit « anima sed uvel spiritus ». Pour lui, c'est la même chose. Donc il supprime un des termes. Et ça fonctionnait très bien à trois, ça tournait, comme à la limite, la Sainte Trinité divine. Par contre, quand on aboutit à deux, c'est évidemment le combat perpétuel. Hein. Et depuis Descartes, bien sûr, c'est l'âme contre le corps. Alors que primitivement, l'âme n'est que le processus d'animation du corps, c'est sa seule fonction. Donc il disparaît avec le corps. Reste l'esprit, qui lui est en dehors de l'incarnation même, qui donc peut être considéré comme éternel. Est-ce que ça n'a pas été un des problèmes de notre culture, Jacques Brosse, justement, que cette disparition de l'âme, parce que je pense qu'en réalité, on a continué à dire âme, mais c'est l'âme en tant que telle qui a disparu, dans la mesure où l'âme, traditionnellement, était, je dirais, l'instance intermédiaire entre le corps d'un côté et l'esprit de l'autre, et ce qui permettait de les penser dans leurs différences et en même temps de les unifier. Exactement. Et de se dire qu'en somme, l'âme choisissait son parti. Ou bien il se ralliait au corps, il devenait entièrement matérialiste, ou il se ralliait à l'esprit, il devenait spiritualiste. L'âme, enfin, devenait spiritualiste. Et là, il y avait une espèce de choix. S'il n'y a plus que deux instances, il n'y a pas de choix possible. Hein. Donc, on incline forcément vers un matérialisme dont nous souffrons actuellement, hein, pire que jamais. Je voudrais revenir sur quelque chose que nous avons abordé très rapidement tout à l'heure, Jacques Brosse, c'est-à-dire est-ce que nous n'avons pas perdu aussi la notion de ce que traditionnellement on appelait des épiphanies ? Je veux dire par là, par exemple, vous parliez là du polythéisme hindou, mais je suis très frappé lorsque je parle avec mes amis hindous de voir que ils peuvent être dévots de Krishna, dévots de Vishnu, dévots de la Bhakti, de la Shakti. Pour eux, ils savent très bien que c'est justement une épiphanie, une manifestation de l'un inconditionné. Absolument. Et là, on a l'impression que ça, nous l'avons complètement perdu. On a perdu cette vue. On a pris comme un absolu ce qui n'est finalement qu'un relatif. C'est-à-dire qu'on, finalement, on a tout catégorisé, classifié. Hein. Et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure à propos de toute autre chose, de dualisme du non-dualisme. On a tout classifié en opposition dualiste. Hein. Alors évidemment, ça devient intenable. Ça se bloque à tout instant. Il n'y a plus de mouvement entre, il n'y a plus d'aller et venu, si vous voulez. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Et seulement, effectivement, au contact maintenant des doctrines orientales, on s'aperçoit qu'il y a d'autres attitudes possibles que celles de l'Occident traditionnel. C'est déjà une avance. Le succès que peut avoir, succès plus ou moins d'ailleurs snob ou les doctrines orientales actuellement en Europe, ça change quand même pas mal de choses. Ça permet d'envisager d'autres manières de penser, de sentir et de raisonner, et de même de parler, je crois. Ce qui me semble assez étonnant, Jacques Brosse, c'est que si je réfléchis à un espace religieux qui n'est pas loin du nôtre, c'est-à-dire à l'espace orthodoxe, je pense à ce que disait quelqu'un comme Maxime le Confesseur, qui a été repris par Grégoire Palamas, etc., c'est-à-dire de dire « il y a Dieu dans son abîme, dont nous ne pouvons rien dire, et puis il y a les manifestations de Dieu à travers les énergies ». Et je veux dire, mais comment est-ce que nous avons oublié ça ? Ben oui, mais ça revient à dire ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, hein. On a scindé tout ça. Et à partir, je vous dis historiquement, Aristote d'abord, la logique d'Aristote, durcie avec saint Augustin, et alors définitivement bloquée avec Descartes. Malheureusement, Descartes est un très grand philosophe. Hein, c'est ça qui est le dommage, quelque part. Parce qu'il est très convaincant, Descartes. Et Descartes, il aboutit finalement à cette vue qui quand même est intéressante. Dès que l'homme se rallie entièrement à la raison, il sera le maître de la nature. Il pourra la dominer. Et on est en arrivé là, finalement. Mais oui, c'est un résultat du cartésianisme. Seulement nous, tandis que nous recevions l'héritage oriental ou extrême-oriental, malheureusement, l'Orient et l'extrême-Orient recevaient l'héritage occidental. Et finalement, ils arrivent à se métamorphoser en occidentaux, avec tout ce que ça peut comporter de catastrophique pour leur propre civilisation, leur propre pensée, même leur propre esthétique. C'est ce que je vois. Qu'est-ce que la connaissance ? Le sens de la vie immortelle. Et qu'est-ce que la vie immortelle ? Tout sentir en Dieu, car l'amour vient de la rencontre, La connaissance unie à Dieu accomplit tout désir. Et pour le cœur qui la reçoit, elle est tout entière douceur débordant sur la terre. Car il n'est rien de semblable à la douceur de la connaissance de Dieu. Isaac le Syrien, Traités ascétiques. Vous-même, Jacques Brosse, vous avez été élevé, je dirais, dans un contexte chrétien, pour ne pas dire un contexte catholique tout à fait traditionnel. Et apparemment, justement, cette parole ne vous suffisait pas, tout au moins telle qu'elle était répandue, et donc vous avez commencé votre carrière. Exactement. Je suis passé par la psychanalyse, même par la drogue, les fameuses drogues qu'on appelait d'extension de la conscience. C'est une vue un peu emphatique et pas tout à fait exacte. Donc, ce n'était pas les drogues d'abrutissement de maintenant, c'est des drogues, vous savez, il y avait Huxley, il y avait Junger, il y avait un tas de gens qui pratiquaient ce genre de choses pour voir jusqu'où on pouvait aller. Bon, j'ai fait ça, ensuite je suis passé au yoga, j'ai fait du Raja Yoga pendant 2 ans, et après au Zen. Donc j'ai fait un espèce de périple, j'ai fait mon tour, c'est vrai. Mais, dès que j'ai commencé la méditation zen, j'ai reçu une image de Jésus. Comme si finalement mon fond chrétien avait été réveillé par la pratique du zen. Et c'est étrange. Effectivement, maintenant je suis en effet chrétien et bouddhiste. Mais pour moi, ce n'est pas incompatible. Seulement, je reconnais qu'étant maître zen, c'est un point de vue que je n'impose à personne, bien entendu. Oui, mais lorsqu'on lit les grands textes et du Chan à l'origine, et du Zen ensuite, tel qu'il se développe au Japon, on a l'impression qu'il n'y a pas forcément une exclusive entre l'un et l'autre, et que le Zen en tant que pratique et que le christianisme en tant que croyance, je vais me servir de ce mot très, très, très, très large, après tout, au contraire, peuvent, je dirais, se conforter l'un l'autre. Oui, c'est d'ailleurs ce sur quoi insiste le Dalai Lama. Il dit « ne coupez pas vos racines ». Restez fidèle à vos racines, à la fois même de votre enfance. Vous n'avez pas de raison de vous séparer. Ou alors vous allez déjà séparer, mais ne dites pas que le bouddhisme va vous séparer. Absolument pas le contraire. Et je l'ai vu parce que d'abord il y a mon histoire à moi, et j'ai vu parmi mes disciples, notamment l'un, qui avait été élevé dans l'agnosticisme complet, qui n'était pas baptisé ni rien, qui me voyant aller à la messe avec lui à San Marco, à Venise, on représentait le Zen, pour Vesak, la fête traditionnelle bouddhiste, toute école confondue. Là, on est allé à San Marco pour le plaisir de la messe du soir, et le prêtre est arrivé avec son ciboire jusqu'à moi, il s'est posé là. Bon. j'ai répondu, bon, en effet, J'ai pris mon hostie. Après, je me suis mis à genoux et j'ai médité, si je puis dire, ou prié en tout cas. Et ça a été, mon image était si convaincante que ce garçon a décidé d'aller à la messe. Et maintenant, il va à la messe. Il est devenu très pieux, alors qu'il ne connaissait rien du catholicisme. Donc, mon geste avait entré ici. Mais après tout, quand même, Jacques est mon maître, il sait quand même ce qu'il fait. Et finalement, effectivement, ça lui convenait très bien. Il est resté bouddhiste, bien entendu, il pratique toujours, mais il est devenu chrétien. Alors, c'est la question qu'on peut se poser, Jacques Brosse, c'est que vous vous intéressez de si près au point de le pratiquer, intensément au bouddhisme, mais en même temps, c'est le bouddhisme zen. Je veux dire, c'est quand même une branche, et une branche très particulière du bouddhisme. Oui, c'est une branche très particulière, mais c'est quand même l'intégralité de la doctrine bouddhique. De ce point de vue-là, le Zen ou le Chan sont exactement la doctrine, avec moins de fanfreluches que les autres écoles. Je dis fanfreluches, cérémonies, ritualisations, jolis costumes, qui tournent un peu autour d'une satisfaction, disons, populaire, plutôt. Hein. Bon, ça existe beaucoup moins dans le Zen et le Chan, beaucoup moins. C'est très dépouillé. Hein. Donc, c'est la forme de bouddhisme qui me semble la plus acceptable pour un occidental. Il n'a pas entré dans un parcours exotique, qui peut être au contraire un attrait. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, les bouddhistes en France, ça se partage entre le zen et surtout le bouddhisme tibétain. Lui, c'est le contraire. On en a un bouddhiste tibétain en fonction de son exotisme. Donc on a le choix. Oui, mais justement, lorsqu'il s'agit du zen, est-ce que d'une certaine manière, je ne dirais pas, c'est l'aspect ascétique du bouddhisme, quasiment? Oui, en effet, c'est ascétique. Mais ascétique sans l'être trop, hein, parce que là même, l'enseignement même du Bouddha dit attention, ne tombez pas dans la luxure, dans les excès et autres, ne tombez pas non plus dans un ascétisme exagéré. Vous n'avez pas à vous mutiler vous-même. Ce serait aussi mauvais que l'autre. Et il dit, ce sont deux conditions aussi nécessaires l'une que l'autre. Ben oui, donc lui-même, c'est la voie moyenne, ce qu'on appelle la voie moyenne. Donc pas d'excès dans un sens ni dans l'autre. Les Grecs auraient dit, medenagan, hein, rien de trop, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais est-ce que ce n'est pas justement quelque chose qu'il faudrait clarifier sur le bouddhisme? Parce qu'on voit très bien comment il y a où cet attrait, je dirais, pour les grandes liturgies du bouddhisme tibétain, parce que je crois qu'on peut vraiment parler de liturgie, soit au contraire, il y a l'idée qu'il y a cet ascétisme auquel je faisais allusion du zen est quelque chose d'extrêmement rigoureux. Alors c'est rigoureux, mais enfin on sait très bien que les moines zen, par ailleurs, peuvent d'autre part mener quasiment une vie normale. Oui, mais en fait, faut pas non plus exagérer, il y a dans le zen des cérémonies. Il y a la récitation de sutras. Tous les matins, quand on est en séchine, en session, on récite tous les matins, au milieu de la matinée, les sutras, en cérémonie, tous ensemble, avec des prosternations. Donc il y a quand même un rituel, quelque part. Il est très sobre, mais il existe. Donc Mais ceci dit, le conditionnement de la vie du fait qu'on est moine permet en effet de vivre en laïque, mais avec quand même des restrictions ou des prudences, quelque part. Là aussi, c'est ni trop ni trop peu. Il est bon de contrôler l'œil. Il est bon de contrôler l'oreille. Il est bon de contrôler le nez. Il est bon de contrôler la langue. Il est bon de contrôler le corps. Il est bon de contrôler la parole. Il est bon de contrôler l'esprit. Dans tous les cas, le contrôle est bon. Le bhikkhu qui se contrôle de toute façon est affranchi de toute souffrance. Dhammapada. Vous-même, en fin de compte, Jacques Brosse, qu'est-ce que vous avez trouvé dans la méditation? Puisque vous, une fois que vous l'avez découverte, vous ne l'avez plus jamais quittée. Et si j'ai bien compris, d'une certaine manière, ça vous permet de vous concentrer, de vous centrer, oui. En fin de compte, oui. Tout en découvrant que le centre de soi-même, c'est peut-être quelque chose de l'ordre d'un ailleurs, d'un au-delà, pour ne pas dire d'un vide. Exactement, oui, c'est bien certain. Mais moi, c'est à la fois, la méditation a engendré la peinture que je fais maintenant, hein, j'expose actuellement à Paris des mandalas, parce que le mandala est un objet de méditation, sorti d'une méditation pour les méditants, en principe. Hein. Chez les Tibétains ou chez les bouddhistes en général, c'est une chose qui est liée directement à la pratique de la méditation. Donc là aussi, ça m'a donné une nouvelle voie qui m'a intéressé quasiment plus que l'écriture. J'ai beaucoup écrit, maintenant je peins. C'est la fin de ma vie, je peins. Mais alors, comment? Bon, je sais très bien qu'on pourrait prendre l'exemple de Maître Dogen, mais je fais exprès de l'oublier, hein, si vous voulez. Mais comment articulez-vous, si l'on peut dire, justement, cette pratique de la méditation, et selon les canons même du zen, et en même temps, je ne dirais pas une foi chrétienne, mais le fait que, oui, si vous vous inscrivez quand même dans les cadres du christianisme, et que vous croyez en cette déité au-delà de tout. Oui, mais là... Mon christianisme est quand même un christianisme révisé. Au moins, le bouddhisme permet de se prendre cette distance. Je ne crois pas, je ne peux pas croire à la résurrection des corps, par exemple. Ça me semble insupportable. Ce corps qui est usé, qui devient un cadavre, qu'on va ressusciter. Songez que même, il n'y a pas longtemps, on n'avait pas le droit d'incinérer, parce que Dieu n'aurait pas eu le nécessaire pour reconstituer. Ce qui est un peu péril, quand même, comme vue de l'esprit. Hein. Donc, je ne crois pas à la résurrection des corps. Ce serait pour moi une vraie catastrophe. Et surtout, je ne veux pas la persistance de ma personnalité. Ce qui serait, avec la résurrection, ce serait ça. Je serais Jacques Brosse in aeternum. Quelle horreur! Ce serait l'enfer. Vous vous rendez compte? Oui, mais si j'ai bien lu saint Paul, si vous ressuscitiez, vous ressuscitiez en tant que Jacques Brosse pneumatique. Et non pas le Jacques Brosse que j'ai en ce moment en face de moi. Non, mais bien entendu, c'est vrai, il y a des nuances. Enfin, j'aime mieux être pas du tout Jacques Brosse, ni pneumatique, ni n'importe quoi d'autre. Mais autre chose, le produit de mon karma, pourquoi pas. Il se pose une question, je pense, c'est que par rapport à tout ce que vous nous exposez, nous sommes dans un monde, disons au moins d'impermanence, où tout coule, tout change sans arrêt. Je veux dire, Héraclite chez nous l'avait dit depuis longtemps. Et en même temps, vous avez l'air, vous semblez avoir un rapport extrêmement profond avec ce monde. Je veux dire, avec ce monde, je veux dire par là, avec la nature. Ben oui, bien sûr. Simone Jacquemart et ma femme et moi, nous vivons dans la nature. Comme nous n'avons pas d'enfants, Simone a élevé énormément de bêtes sauvages. Elle a eu des rapports passionnants. Enfin, elle a élevé quand même, j'étais là, 25 renards, il faut le faire. Hein. Bon, elle a têté une renarde, elle a compris les renards, elle peut parler renard. Bon, c'est intéressant d'aller jusque-là, parce qu'on s'aperçoit que l'animal n'est pas du tout ce que nous croyons qu'il est. Qu'il a une espèce de réflexion lui-même, qu'il est beaucoup moins différent de l'homme que nous le pensons, nous, dans notre magnifique supériorité dont parle Montaigne. Hein. Donc, quand on connaît bien la nature, on s'aperçoit qu'il y a une espèce d'unité du vivant, qui englobe même le végétal. Hein. Parce que maintenant, le végétal, dont on a découvert qu'il avait des réflexes, hein, dont on a découvert qu'il pouvait lancer des messages, c'est quand même absolument stupéfiant, puisqu'il n'a pas de système nerveux. Donc c'est impossible, et cependant ça existe, voyez-vous. Donc on est en permanence découverte d'une espèce d'unité du vivant. Et moi ça m'intéresse beaucoup ça. Parce que j'ai ce qu'on appelle la main verte. Je sais que la main verte c'est une compréhension des besoins du végétal. Si je mets en terre une plante, je sais ce dont elle a besoin. Et sans y penser, je le fais. Alors on appelle ça la main verte. Ça n'a rien de miraculeux. C'est une communication que j'ai avec la plante, un arbre par exemple que je plante. Bon, automatiquement, je sais ce qu'il lui faut. Bon, que j'y mette une certaine dose d'amour ou de compréhension vis-à-vis de ce végétal, oui, ça m'est personnel. Mais la main verte elle-même, ça n'a rien de mystérieux. Donc c'est la compréhension d'autrui, vous comprenez, dans tous les cas. Mais d'une certaine façon, Jacques Brosse, est-ce que ce n'était pas aussi le résultat de notre culture qui avait mis l'homme complètement à part, en quelque sorte, et que depuis quelques décennies, on se rend compte que nous sommes des animaux supérieurs, d'une certaine façon, ou des animaux mutés, des animaux plus ou moins transformés, et que nous faisons partie de l'ensemble du règne vivant sur Terre. Naturellement, on commence seulement à s'en rendre compte un peu tardivement. Oui, parce que les dégâts sont déjà faits. Hein. Mais oui. La maîtrise de la nature dont parlait Descartes, elle est réalisée maintenant, avec les conséquences que nous voyons, qui sont quand même finalement catastrophiques. Et oui, on peut nous annoncer la fin de l'espèce humaine. Et pourquoi pas? Et oui, par l'homme lui-même qui se sera autodétruit. Alors moi je réponds à ça, parce que je reste optimiste. Pourquoi considérer que l'homme est la fin de l'évolution? comme si l'évolution s'était dit, ah là, cette fois-ci, j'ai réussi mon coup, je ne vais pas plus loin, c'est l'idéal, c'est l'homme. Mais non, l'évolution continue. Donc, il y aura quelque chose de plus évolué que nous, si on croit aux lois de l'évolution. Ben oui. Alors, il ne faut pas s'attrister. Et puis, on sait maintenant que des terres ou des endroits possibles pour la vie existent. Seulement, les conditions de la vie ne sont peut-être pas sur ces planètes qui existent dans d'autres systèmes solaires, ne sont peut-être pas les mêmes que les nôtres. Ben oui, on peut tout supposer. On a devant nous un infini quasi. Justement, est-ce que ça n'a pas été l'une de nos faiblesses de penser que la vie ne pouvait exister que sur notre modèle à nous? Naturellement, naturellement, nous n'en savons rien. Nous ne connaissons pas, peut-être qu'il peut y avoir une vie sans eau, peut-être qu'il peut y avoir une vie sans oxygène, on n'en sait rien. On ne peut pas réaliser, on n'a jamais réalisé en laboratoire ce genre de choses, bien entendu, on ne peut pas. Mais ceci dit, on peut aussi supposer qu'il peut exister des formes de vie qui ne sont pas du tout proches des nôtres. C'est une réflexion que j'ai entendue aussi à quelqu'un qui se réclamait du bouddhisme, Jacques Brosse, par rapport aux catastrophes que vous évoquez, qui était de dire « Oh ben si l'espèce humaine disparaît, de toute façon, quelle importance? Et si ce monde disparaît, quelle importance? Tout ça, ce n'est que de l'illusion. » Donc ben, c'est l'illusion qui se dissipe. Oui, bien sûr. Oui, d'une certaine manière, c'est vrai. Mais enfin, l'illusion existe quand même. Il n'est peut-être pas, mais il existe. On ne peut pas le nier. Alors, bien sûr... L'illusion, mais qu'est-ce qui restera à ce moment-là? La pire des illusions, c'est de croire qu'on n'a plus d'illusions, pour moi. Ben oui. Eh oui. De ce point de vue-là aussi, alors, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à la grande métaphysique indienne? Je pense à certaines considérations de Shankaracharya, par exemple, qui dit, ben oui, le monde autour de nous est illusion par rapport à l'absolu. Mais en attendant, nous existons dedans, et à notre niveau, il existe. Mais c'est ce que dit... Dans le bouddhisme aussi, Nagarjuna, hein, qui est quand même le grand philosophe indien du 2e, 3e siècle, il dit la même chose. Hein. Bon, c'est une illusion par rapport à l'absolu. Alors, il y a une vérité relative et il y a une vérité absolue. Mais il ne faut pas confondre les deux. Hein. La vérité relative ne peut jamais rejoindre la vérité absolue. Elles sont vraiment totalement différentes. Ça dépend de la disposition d'esprit, c'est tout. Oui, mais de ce point de vue-là, Jacques Brosse, est-ce qu'il n'y a pas une espèce, je dirais presque, de dogmatisme de la part d'occidentaux qui se convertissent, si on peut dire, aux pensées orientales, et qui justement, eux, ont considéré, par exemple, avoir ce type de discours. Le monde est illusion, tout n'est qu'illusion, et ils ne pensent pas que c'est relatif. Je dirais qu'ils n'ont pas compris grand-chose à la pensée de l'Orient. Ben non, parce que... Il faut lire les textes, vous comprenez, avant d'en parler. Les gens ne le font pas. Ils ont une vue, disons, vulgarisée du bouddhisme, qui est très différente de la réalité du bouddhisme. Pour connaître le bouddhisme, il faut le pratiquer. Il faut l'expérimenter. Alors, moi, je connais, par exemple, beaucoup de gens qui sont même trouvés, des gens plus ou moins importants, d'ailleurs, je voudrais faire de la méditation, mais expliquez-moi ce qui va se passer. Mais je ne peux pas vous l'expliquer, vous seul à l'expérimenter. Hein, je ne peux pas vous raconter des histoires, ça serait absurde. Ah oui, ah ben je comprends, maintenant je comprends. Puis ils ne viennent jamais. Parce que le goût de l'expérimentation est en effet anglo-saxon. Hein, ça, ils l'ont, tout de suite, on leur dit, ils essayent. Ici, il faudrait leur apprendre à quoi ça pourra servir, en quoi ils peuvent entrer dedans, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Il faut tout leur expliquer. Mais non, ils n'ont qu'à faire l'expérience. Il n'y a pas besoin de ça. Les Français sont très déplaisants sur ce rapport. Mais en même temps, est-ce que nous n'avons pas un autre problème, Jacques Brosse ? Je vous pose toutes les questions désagréables, je le sais bien, mais qui est souvent, on entend dire, oui, mais justement, il n'y a que l'expérience qui compte, l'expérience intérieure, on s'entend, et donc nous n'avons aucun besoin de l'intelligence. Vous savez, généralement, on vous répond, c'est du mental. Bien. Et on a l'impression qu'en réalité, lorsque je lis les textes orientaux, c'est pas ça que je trouve. Je veux dire, vous avez parlé de Nagarjuna, je faisais allusion à Shankaracharya. On a l'impression qu'il y a quand même une force métaphysique et une force de l'intelligence absolument extraordinaire. Et qu'on confond le mental en tant qu'attention dispersée et le mental en tant qu'intelligence embrasée, si vous voulez dire. Alors là, en effet, c'est une erreur que ne commettent pas les orientaux. Pour eux, il y a le mental, c'est manas. Or, le manas, dans l'hindouisme en tout cas, c'est un singe qui n'arrête pas d'aller de branche en branche dans un arbre. Donc, il n'est pas fiable. Alors, bon, mais il y a, derrière le mental, il y a ce qu'on appellerait l'esprit véritable, avec un grand T, si vous voulez, pour distinguer. Lui, alors, il sait ce qu'il fait. Hein. Il est conséquent avec lui-même. Il est raisonnable et il peut aller à l'irrationnel à condition de passer jusqu'au bout du raisonnable. Moi, je cite toujours la question de l'aporie, qui en philosophie grecque, l'endroit où on ne peut, pas aller plus loin, c'est pas possible. Les néoplatoniciens, eux, disent si, on peut aller plus loin, il faut aller plus loin. Il faut aller jusqu'au bout du raisonnement et là, on continue. Donc, ces risques et périls dans le vide. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi à des... Bien, encore une fois, il faut d'abord passer par la totalité du rationnel. Mais c'est justement la question que je me pose, Jacques Brosse, à savoir, est-ce que ce n'est pas aussi un des problèmes de notre culture, de notre réflexion, que d'avoir classé sous la rubrique irrationnelle tout ce qui n'était pas rationnel. C'est-à-dire de confondre ce qui est avant la raison et de se confondre ce qui est après la raison, après avoir s'être servi de la raison jusqu'à ses extrêmes limites. Bien sûr. Mais ça, je crois que les philosophes, comme Leibniz ou Spinoza, étaient bien d'accord là-dessus. C'est-à-dire que les limites du rationnel, entre le rationnel et l'irrationnel, elles sont un peu fluctuantes. Elles ne sont pas celles que croit l'homme du commun, si je peux dire. En plus, comme vous le savez vous-même, ce qui était irrationnel peut devenir rationnel. Dans le domaine scientifique, par exemple, il est incontestable que ça change sans arrêt. Entre la frontière entre les deux change sans arrêt. Et en même temps, comme Einstein l'a dit, comme d'autres le disent, il faut bien que la science comprenne qu'elle ne comprendra jamais la totalité. Et aller jusqu'à dire, comme l'astrophysicien et qui en arrive à dire, la science ne peut que travailler que sur un modèle qu'elle a élaboré elle-même, sur ses propres créations. Donc on tourne en rond. Il faut le savoir aussi. Alors il faut savoir qu'un progrès intellectuel met en cause tous les appuis précédents. Donc c'est assez vertigineux tout ça, bien entendu. Mais moi je pense que si notre époque est intéressante, c'est bien par là. Elle a franchi des frontières, elle est allée plus loin. Elle s'est dégagée du carcan dans lequel elle était enfermée, spécialement le cartésianisme, le dualisme. On peut aller plus loin maintenant. Absolument. Est-ce que l'humanité aura le temps d'aller plus loin ? Ça, c'est autre chose. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Jacques Brosse, que d'une certaine manière, nous arrivons, je vais reprendre le langage de quelqu'un comme Toynbee, que nous arrivons à la fin d'un cycle, d'une certaine manière, qu'effectivement nous étouffons dans ce qui nous a été légué et que nous sommes à l'aube, si nous avons le temps, comme vous le dites, que nous sommes à l'aube d'une pensée nouvelle ou d'une nouvelle relation au monde. Mais je pense qu'elle est en train d'exister déjà, cette nouvelle pensée. Mais de là, entre... À un moment où éclot une nouvelle pensée, celle est adoptée par une partie importante de l'opinion publique, ça représente au moins une génération. C'est au moins 30 ans, sinon deux générations, ce qui fait 60 ans. Là aussi, aura-t-on le temps d'attendre ? Je n'en sais rien. Sie singen lieber selber. Pour le vitam du Kennedy, restaurant la Bûcherie. Livre. Pour s'inscrire dans un horizon sans aucun doute différent, mais tout à fait passionnant, et à qui on pourrait sans aucun doute trouver des chemins de traverse, avec ce que nous disait Jacques Bross, je voudrais signaler d'abord l'étude de Jacqueline Assael pour une poétique de l'inspiration d'Homère à Euripide aux éditions Peters. Sur quoi essaie de travailler, sur quoi essaie de réfléchir Jacqueline Assael? C'est précisément sur la notion de l'inspiration, au-delà de ce qu'en avaient fait les romantiques, ce à quoi nous sommes habitués, et elle remonte jusqu'à l'Antiquité grecque pour voir comme l'inspiration, comme le marque d'ailleurs le mot « spiration », qui est cousin du mot « respirer » en français, comment donc c'était l'idée d'un souffle, d'un pneuma, qui d'une certaine manière nous était donné et qui faisait que l'homme était transporté au-delà de lui-même. D'une certaine manière, d'ailleurs, elle essaie de voir quelle est la courbe qui va de ce souffle que nous recevons à la mania, telle qu'on la trouve chez Platon, c'est-à-dire à la folie ou à la fureur qui nous transporte et où nous sommes pris par des esprits qui, d'une certaine manière, nous insufflent. Mais on voit très bien comment on ne peut pas échapper à ce vocabulaire de la respiration qui nous insuffle les paroles ou les sentiments qui correspondent effectivement à cet autre monde au-delà du monde dans lequel nous habitons. D'une certaine manière, bien entendu, c'est un phénomène de possession, tel qu'en parlent les ethnographes, qui nous est ici décrit, et la découverte d'une altérité qui se trouverait au-delà du moi tel que nous le construisons généralement dans notre propre culture. Est-ce que ces œuvres merveilleuses t'escortent depuis ta naissance, ou bien un dieu, un homme, t'a-t-il accordé un don superbe et communiquer un chant sublime. Hymne homérique à Apollon. Et puis, je voudrais attirer l'attention aussi sur l'ouvrage collectif publié par les éditions Jouvence, L'homme entre terre et ciel. C'est un livre qui en fait correspond à l'association Terre du Ciel, où on retrouve des auteurs comme Jean-Marie Pelt ou comme Pierre Rabhi, et qui essaie de réfléchir précisément à l'inscription de l'homme dans la nature et en même temps essayer de réfléchir sur le danger, les risques, on le sait, qui sont encourus par cette nature aujourd'hui du fait de notre ravage technologique, d'une certaine façon. Et à travers cette réflexion, ce que l'on essaie de retrouver, sans illusion en même temps, sans habiter le fantasme, c'est un lien avec la nature qui serait reconsidéré à nouveau comme notre berceau, mais en sachant très bien ce que nous faisons de telle manière, c'est-à-dire en ne nous projetant pas en elle, en ne nous perdant pas en elle, mais beaucoup plus de voir comment nous pouvons reconstruire un monde qui serait marqué par une spiritualité, et pour reprendre les termes d'aujourd'hui, par ce que l'on pourrait appeler une spiritualité écologique. La planète, qui pour les Indiens est un être vivant, a besoin de se purifier. Notre objectif est la création d'un réseau de lumière, pour maintenir une cohérence pendant la purification du monde, pour que celle-ci n'aille pas jusqu'à la destruction. Aigle bleu de la nation Cherokee. Dans une autre ère de culture, évidemment, je voudrais parler aussi de l'ouvrage de Claudine Glot, Fantômes d'Écosse et autres histoires, aux éditions du Pré-Auclair. Les fantômes, on sait très bien, et avec une certaine ironie évidemment, que c'est l'une des grandes spécialités de l'Écosse. On se rappelle peut-être le film de René Clair, Fantômes à vendre. Et de la même manière, on sait très bien qu'aujourd'hui encore, les Écossais se livrent, je dirais quasi couramment, à des expériences de spiritisme et croient dur comme fer à l'existence des fantômes. Et ce sont précisément tout un certain nombre d'histoires qui nous sont venues depuis le fond des temps écossais, qui ont marqué l'ensemble de la psyché collective de ce pays, que nous raconte Claudine Glot dans un style d'aujourd'hui, en nous les rendant accessibles et en nous réintroduisant à la notion du mystère. La petite sirène des chagrins verse toutes les larmes de ses yeux. pleurant et gémissant sur le destin des McDonald's. Hélas, ma douleur, puisses-tu ne jamais entendre ces cris. Enfin, et nous retrouvons sans aucun doute là l'une des intuitions les plus profondes de Jacques Brosse, il faut s'intéresser, me semble-t-il, à l'ouvrage traduit et présenté par Jacques Vigne sur le soi, l'expérience de l'absolu, selon l'Astaravakra Gita. De quoi s'agit-il, sinon d'un texte écrit par un sage dont on ne sait pas exactement s'il a véritablement vécu, Astavakra, qui aurait été antérieur même à Shankaracharya, c'est-à-dire qui aurait vécu au 5e ou 6e siècle en Inde. Bien entendu, à partir du moment où je prononce le nom de Shankara, on se rend compte que nous sommes dans la tradition de l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire du Vedanta, des commentaires sur la Veda, qui s'inscrivent dans une philosophie de la non-dualité. Et c'est ce texte, qui est certainement l'un des joyaux de la philosophie indienne, est suivi des commentaires du Swami Chatananda, qui leur donne un éclairage tout à fait moderne et par rapport à l'Inde d'aujourd'hui, effectivement, et texte qui se marque par le fait qu'on s'aperçoit comme jusqu'au bout il n'y a pas de non-dualité, c'est-à-dire comme finissent par se rejoindre la voie de la connaissance et la voie de la dévotion, la voie de la jnana, la voie de la bhakti, pour reprendre les termes tout à fait traditionnels, et comment d'une certaine manière on peut passer du soi, de l'atman, à ce que l'on appelle l'Ishvara, c'est-à-dire le Dieu personnel, qui est une épiphanie de ce soi, de cet atman parcelle et reflet du Brahman, c'est-à-dire du Dieu impersonnel. Et comme en fin de compte, personnel, impersonnel, connaissance, dévotion, sont des couples d'opposés qui renvoient à une unité primordiale. L'accomplissement des actions provient certes de l'ignorance, mais leur non-accomplissement tout autant. Même en pensant l'impensable, on retombe dans une forme de pensée. J'ai abandonné cette attitude et je suis donc bien enraciné en moi-même, tel quel. Les livres aujourd'hui, pour une poétique de l'inspiration, d'Homère à Euripide, de Jacqueline Assael aux éditions Peters. Un collectif, L'homme entre terre et ciel, aux éditions Jouvence. Fantôme d'Écosse et autres histoires, de Claudine Glou aux éditions Le Pré au Clair. Et Le Soi, l'expérience de l'absolu selon la Staravakra Gita, un texte traduit par Jacques Vigne aux éditions L'Originel. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Jacques Brosse. Texte lu par Frédéric Prévost, recherche sonore Dominique Catroux, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azéra.